Dans le cycle des émissions consacrées au théâtre de Jean Giraudoux, veuillez écouter ce soir Amphitryon 38, comédie en trois actes, présentation et découpage d'André Beuclair. Le théâtre de Jean Giraudoux s'est construit autour des jeunes filles, des souvenirs d'enfance, de voyages et de province, autour des fonctionnaires et des héros, mais aussi des dieux. Ces dieux, dans Amphitryon 38, prennent contact avec la terre des hommes, mènent toute l'action et trompent les mortels. Mais Giraudoux leur oppose Alcmène, une femme classique, décente, souvent têtue, mais charmante et mesurée. Surtout une femme parfaitement digne et, disons-le, française, car telle était sa conception. De toutes ces héroïnes, qui d'ailleurs se ressemblent, c'est Alcmène qui s'exprime avec le plus de sagesse et d'amour. C'est elle qui défend le mieux notre monde et notre morale. Elle apprend à Jupiter à connaître l'amitié et c'est ainsi qu'elle l'enrichit. Elle a la connaissance, le goût, la pratique et la passion de la vie à un tel degré qu'elle y ajoute même la mort, sans doute, parce que la vie est éphémère et qu'il faut savoir unir dans le même héroïsme le désespoir et la sérénité. Lors de la reprise d'Amphitryon à l'Athénée, on écrivit que grâce à Jean Giraudoux, ce théâtre, retournant à ses origines hellènes, deviendrait un parc national de jeunes filles, une réserve de fiancées théâtrales, d'espoir en l'avenir. Giraudoux retrouvait ainsi la voie classique. Il y a 100 ans seulement que le sujet des pièces d'amour est un adultère et non pas un mariage. Mais qu'est-ce que le 38e Amphitryon ? Jupiter et Mercure sont descendus de l'Olympe et les voici en Grèce, à Thèbes, non loin de la demeure d'Amphitryon, un général fameux. Jupiter, qui n'avait pas aimé de femme sur la terre depuis son aventure avec Léda, est de nouveau épris d'une mortelle, Alcmène, épouse d'Amphitryon. Mais Alcmène est amoureuse de son mari. Jupiter le sait et cherche le moyen de gagner son cœur. Puisqu'il est le dieu des dieux, Mercure lui suggère de faire éclater la guerre aux portes mêmes de Thèbes. Le général devra partir aussitôt. Jupiter n'aura plus qu'à prendre son aspect, son visage, se présenter chez Alcmène et lui avouer qu'il a retardé par amour son départ d'une nuit. Pour maintenir ce climat de confusion ou de substitution, la radiodiffusion a confié au même interprète les rôles de Jupiter et d'Amphitryon. Amphitryon 38 vous sera donné avec la distribution suivante: Claude Nollier de la comédie française Alcmène, Jacques Dacmin dans le double rôle de Jupiter et d'Amphitryon, Renaud-Marie Mercure et Maria Cazares Léda. Prêteront également leur concours Charlotte Clasis Éclissé, Jacques Hilling Sosie, Gérard Setti le trompette, Guy Pierrot le guerrier, Jean-Claude Malouvier la voix céleste. Réalisation Henri Soubéran. La Grèce, au temps des dieux et des héros. Nous sommes à Thèbes, une terrasse près d'un palais qui est la demeure du général Amphitryon. Elle est là, cher Mercure. Où cela, Jupiter ? Tu vois la fenêtre éclairée dont la brise remue le voile. Alcmène est là. Ne bouge point. Dans quelques minutes, tu pourras peut-être voir passer son ombre. À moi, cette ombre suffira. Mais je vous admire, Jupiter, quand vous aimez une mortelle,

Seul Amphitryon ne savait rien encore, mais grâce à ses voix célestes, il doit être maintenant averti. Amphitryon a pu entendre les voix de la plaine ? On n'en perd pas un mot. Oh. La foule est massée au pied du palais et nous avons écouté avec elle. C'est assez impressionnant. Il vient d'y avoir surtout un petit combat entre votre futur jeune maître et un monstre à tête de taureau qui nous a tenus pantelants. Oh. Hercule s'en est tiré, mais de justesse. Attention, voici la suite. Ô Thébain ! Le Minotaure à peine tué, un dragon s'installe aux portes de votre ville. Un dragon à 30 têtes qui se nourrissent de chair humaine, de votre chair, à part une seule tête herbivore. Hercule, le fils qu'Alcmène concevra cette nuit de Jupiter, d'un arc à 30 cordes, perce les 30 têtes. Je me demande pourquoi il a tué la tête herbivore. Oh, regarde Alcmène à son balcon. Elle n'en perd pas un mot. Oh, comme Jupiter est habile. Il sait combien notre reine désire d'enfants. Il lui dépeint Hercule pour qu'elle se prenne à l'aimer et se laisse convaincre. À la place de Jupiter, je ferai parler Hercule lui-même. Les mois d'Alcmène en seraient accrus. Tais-toi, la voix parle. De mon père Jupiter, j'aurai le ventre poli, le poil frisé. Les dieux ont eu votre idée, Trompette ? Oui, un peu moins rapidement. De ma mère Alcmène, le tendre et loyal regard. Ta mère est là, petit Hercule. La vois-tu ? Je la vois. Je l'admire. Bah, qu'a donc ta maîtresse à fermer si brusquement sa fenêtre ? Couper la parole à une voix céleste ? Elle exagère. D'ailleurs, Éclissé, que signifie cette figure d'enterrement ? Et pourquoi le palais prend-il cet air maussade alors que toutes les tentures de fête devraient déjà flotter au vent ? Le bruit court pourtant à l'armée que ta maîtresse a fait venir Léda pour lui demander les derniers conseils et qu'elles ont passé la journée à jouer et à rire. C'était faux ? C'était vrai, mais elle est partie depuis une heure à peine. C'est aussitôt après son départ que les voix ont annoncé la visite de Jupiter pour le coucher du soleil. Les prêtres ont confirmé la nouvelle ? Ils sortent d'ici. Alors, Alcmène se prépare. Je ne sais. Madame, des rumeurs assez fâcheuses circulent dans Thèbes sur votre maîtresse et sur vous. Oh. On dit que par enfantillage ou par coquetterie, Alcmène affecte de ne pas apprécier la faveur de Jupiter et qu'elle ne songe à rien moins qu'à empêcher le libérateur de venir au monde. Oui, et que tu l'aides dans cet infanticide. Comment peut-on ainsi m'accuser ? Avec quelle impatience je l'attends, moi, cet enfant. Songe que c'est avec moi qu'il commencerait ses luttes qui sauveront la terre. C'est moi, pendant 10 ans, qui jouerai pour lui, l'hydre, le minotaure. Quels cris peuvent bien pousser ces bêtes pour que je m'y habitue ? Il n'est vraiment pas décent pour Thèbes d'offrir aux dieux une maîtresse morose et rechignante. Est-il vrai qu'elle cherche un moyen de détourner Jupiter de son projet ? J'en ai peur. Mais elle ne réfléchit pas que si elle le trouve, c'est Thèbes perdu ! La peste et la révolte dans nos murs, Amphitryon lapidé par la foule. Oh, les femmes fidèles sont toutes les mêmes. Elles ne pensent qu'à leur fidélité et jamais à leur mari. Dis-moi, Susie, quel est ce guerrier qui grimpe la colline ? N'est-ce pas Amphitryon ? En effet, c'est Amphitryon. Ciel, je tremble. Et moi, je n'en suis point fâché. C'est un homme de jugement et de piété. Il aidera à décider sa femme. Comme il court ! Je comprends sa hâte. Beaucoup de maris tiennent à épuiser leur femme pour qu'elle ne soit dans les bras du dieu qu'un corps sans âme. Toi, Susie, ta proclamation. Ô Thébain, la guerre entre-temps davantage. La maîtresse est là, Éclissée. Oui, seigneur. Elle est là dans sa chambre. Oui, seigneur. Je l'attends. Qu'allons-nous faire, Amphitryon ? Qu'allons-nous faire, Alcmène ? Tout n'est pas perdu, la permitule devance. À quelle heure doit-il être là ? Dans quelques minutes, au coucher du soleil. Je n'ose regarder là-haut. Toi qui vois les aigles avant qu'ils ne te voient, n'aperçois-tu rien dans le ciel ? Un astre mal suspendu qui balance. C'est qu'il passe, tu as un projet ? J'ai ma voix, ma parole, Alcmène. Je persuaderai Jupiter, je le convaincrai. Mais pauvre ami, tu n'as jamais convaincu que moi au monde. Et ce n'est point par des discours. Un colloque entre Jupiter et toi, c'est tout ce que je redoute. Tu en sortirais désespéré, même donnant aussi à Mercure. Alors, Alcmène, nous sommes perdus. Ayons confiance en sa bonté. Embrasse-moi en pleine lumière pour qu'il voie quel être unique forme deux époux. Toujours rien dans le ciel ? Le zodiaque s'agite. Il en a heurté le fil. Je te donne le bras. Non, pas de lien factice et banal. Laisse entre nous deux ce doux intervalle, cette porte de tendresse que les enfants, les chats, les oiseaux aiment trouver entre deux vrais époux. Il ne doit plus être loin.

Dans le cycle des émissions consacrées à Jean Giraudoux, nous vous avons présenté Amphitryon 38, comédie en trois actes. Voici quelle était la distribution. Claude Nollier de la comédie française Alcmène, Jacques d'Acmine dans le double rôle de Jupiter et d'Amphitryon, Renaud-Marie Mercure et Maria Cazares Léda. Prêtaient également leur concours Charlotte Clasis Éclissé, Jacques Ling Sosie, Gérard Setti le trompette, Guy Pierrot le guerrier, Jean-Claude Malouvier la voix céleste. Présentation et découpage d'André Buclair, prise de son Pierre François, assistante de production Micheline Stériadé, réalisation Henri Soubéran.